Les spectateurs étaient de plus en plus nombreux, mais le compartiment pour la noblesse restait toujours vide. Foule partout, excepté là. Un soir, il y eut quelqu'un. Une femme était assise, seule, au milieu de la loge, sur le fauteuil de velours d'Utrecht. Tous les yeux la regardaient. Cette femme absorba d'abord l'attention du public, fit concurrence au spectacle et nuisit un peu aux premiers effets de chaos vaincu. Gwynplaine, comme Ursus, considérait cette femme, et c'était comme une hallucination. Derrière cette femme, dans la pénombre, on apercevait son mousse, un groun, très jeune et très grave. Seule la femme inconnue, qui regardait ce spectacle dans une immobilité de statue et avait des yeux de fantôme, ne rit pas. La représentation finie, Ursus ouvrit et vida sur la table du souper le sac de la recette. C'était une cohue de gros sous, parmi laquelle ruissela, subitement, une once d'or d'Espagne. « Elle !» s'écria Ursus. Cette once d'or, au milieu de ses sous verts de grisé, c'était en effet cette femme au milieu de ce peuple. « Elle a payé sa place au quadruple !» reprit Ursus enthousiasmé. En ce moment, l'hôtelier entra dans la Grimbox et dit « Devinez qui est monté dans le carrosse avec cette duchesse ?»« Tom Jinjack !»